Vaïrou avec Si le froid à CKRL 89.1. Juste avant, on a entendu Miroir noir, extrait de son EP Le Nœud, qui est sorti un peu plus tôt cette année. Vaïrou qui fait de plus en plus parler d'elle au Québec, alors que c'est une artiste de la Saskatchewan qui, comme vous l'entendez, chante en français, mais aime aussi son bilinguisme parce qu'elle chante aussi en anglais dans ses chansons. Et elle me l'a raconté lors d'une entrevue au Festival de la chanson de Tadoussac. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, je vous l'ai dit, tout l'été dans votre magazine d'actualité culturelle Première Loge. J'ai envie de vous faire part de ces rencontres parce que Vaïrou n'est pas encore passé en spectacle à Québec, donc c'était l'occasion de la rencontrer, de la faire présenter son univers. Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui nous interpelle en plus de sa musique, hein, qui est tout à fait unique pour Vaïrou, c'est son nom d'artiste. J'ai tout de suite voulu savoir et mettre les choses au clair. Est-ce que Vaïrou, c'est son vrai prénom? Mon vrai nom, c'est Véronique Poulain. Pendant un certain temps, je jouais de la musique sous ce nom-là, sous mon vrai nom. Mm-hmm. Et puis, après 3-4 ans de spectacles et de shows, spécialement quand je venais au Québec faire des spectacles, je trouvais que mon nom était quand même long un petit peu. Puis quand je retournais en Saskatchewan, c'était encore plus difficile pour les gens parce que on se comprend un nom francophone dans un milieu minoritaire. Les gens qui demandent j'ai pas compris. Alors je me suis dit, je vais raccourcir ça, je vais quand même garder mon nom dans ça. Alors pour un certain temps, je m'étais dit, je vais juste faire Véro, juste tout court. Puis c'était pas non plus nécessairement le nom artistique que je voulais. Et puis, j'ai une amie proche qui m'avait suggéré de mettre un A. Puis, j'ai laissé ça un peu... j'y ai pensé quand même pendant quelques mois. Et je me suis décidée. J'ai dit, c'est quand même quelque chose qui se voit bien sur papier. Ça me définit un peu l'originalité de ce nom-là qui s'approprie à personne, à rien vraiment, et qui donne un peu une touche. On pourrait comprendre un peu le contexte de mon son avec ce mot-là. Alors, un peu le sens de mes chansons qui... C'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens, mais pour moi, ça a devenu quelque chose qui avait un sens avec juste même la façon de le dire maintenant, Vaïrou, qui me rapproche encore au ciel d'où je viens, parce que la Saskatchewan, c'est vraiment le pays du ciel vivant. Et j'ai toujours eu une belle affinité avec... Le paysage de la Saskatchewan, et puis c'est très aérien et c'est un peu c'est ça. C'est tout un univers, n'empêche. Mais quand on t'écoute, c'est ça, je te parlais beaucoup de ton originalité hors micro. Puis c'est vrai que quand tu arrives avec ce EP, donc qui s'appelle Le Nœud, on se dit waouh, ok, ouais, elle nous propose vraiment quelque chose de différent. Je pense déjà à un artiste de la francophonie qui vient de Saskatchewan, ça attise la curiosité. Mais là, avec un son où l'instrumental prend beaucoup de place aussi, tu joues du violoncelle, c'est ça? Non, je joue du violon. Du violon, ouais, ok. Mais j'ai du violoncelle sur l'album. C'est ça. Oui. Moi, je viens d'une famille très musicale. Les instruments étaient toujours... on les voyait partout dans le salon. Je viens aussi d'une grande famille de 8 enfants. Alors, moi, j'ai vu mes frères, mes sœurs jouer de la musique toute ma vie. Puis moi, j'étais une des plus jeunes, alors... C'est ça, j'ai un peu la piqûre de l'instrument, du violon, du piano, de la guitare en les voyant. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment trippé quand j'étais jeune. J'ai suivi des cours de musique et puis tout ça. Puis, je m'étais toujours un peu plus considérée comme musicienne. Puis c'est drôle que dans les dernières... mon but... À Tadoussac était vraiment de faire de l'écriture, mais de retrouver un peu l'auteur en moi qui souvent se cache derrière la musicienne. Mm-hmm. C'est intéressant de trouver l'équilibre aussi, de ne pas toujours donner trop à la musique parce qu'elle perd un peu son sens aussi, mais c'est vraiment l'opposé des fois. Alors, faut pas nécessairement avoir trop de choses à dire parce qu'il faut ressentir les émotions derrière les sons. Mm-hmm. Alors, ouais, il y a ça. Mais aussi, les mots qui peuvent créer des sons et créer des rythmes, ça m'épate un peu comment tu peux vraiment trouver un bel équilibre entre les deux. Puis c'est quelque chose que j'aime travailler puis que j'aimerais continuer à travailler vraiment. Mm-hmm. Ouais. Et tu parles de l'écriture à Tadoussac parce que tu as fait partie des chemins d'écriture avec d'autres artistes. Donc toi, ça fait une semaine que tu es ici à Tadoussac pour améliorer, peaufiner ton écriture avec Xavier Lacouture qui est le formateur déjà depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu as le plus appris en écriture là pendant cette semaine? Je sais que c'est intense. Hein? Ouais, c'est très très intense. C'est très enrichissant toute l'information qui nous est donnée toute dans quelques jours. On se dit ok, je vais prendre ça. Peut-être que je vais essayer ça d'une autre façon. Mm-hmm. Ce que moi j'ai appris sur mon écriture et sur moi-même. Quelque chose que je savais déjà un peu, mais je ne l'avais pas réalisé à quel point c'était peut-être que ça allait être quelque chose qui me différencie des autres, c'est vraiment mon bilinguisme. Et puis le fait que même si je parle français, puis j'essaie vraiment de communiquer en français, souvent je pense en anglais. Puis je suis toujours en train de traduire un peu... Mais des fois non, mais des fois quand j'y pense vraiment puis je veux vraiment avoir le bon mot puis le bon sens du mot, il sort en anglais puis je me dis ah, c'est dommage. Mais faut que je trouve une façon de rendre ça aussi un atout parce que c'est mon identité, c'est moi, c'est quelque chose qui me définit, ça va toujours me définir même si des fois je me dis ah, ce serait intéressant de pas avoir... C'est un peu comme une béquille qui un jour peut-être va être moins utilisée ou moins nécessaire. Mais en ce moment, j'espère pouvoir utiliser ça comme une force. Mais c'est pas que je veux écrire toujours en français-anglais, mais d'améliorer mon français au point où je n'aurais pas besoin de nécessairement traduire dans ma tête tout le temps. Puis je pense que ça va me sauver du temps aussi, parce que j'ai remarqué que cette semaine, c'est là où j'avais un peu plus de difficultés à vraiment m'exprimer avec les bons mots. Mais il y a d'autres façons de s'exprimer aussi. Puis je crois que le fait que je viens d'un paysage différent, je viens de quelque part qui est différent juste mm-hmm. en général. Mm-hmm. Ça va peut-être m'aider à trouver vraiment à continuer à trouver les images, mais à trouver les sens aux mots, puis de raconter des histoires qui sont peut-être différentes et qui sont plus, c'est ça, uniques à moi, mm-hmm. Mais pouvoir les raconter d'une façon qui serait peut-être... qui serait pas aussi... c'est quoi le mot? Ça y est, on a l'exemple concret. Exact. Mais écoute, on regarde par exemple du côté du Nouveau-Brunswick, c'est pas rare de voir des artistes qui font des chansons autant dans les deux langues. Le premier exemple qui me vient, c'est Lisa Leblanc, qui est capable de chanter aussi bien en anglais qu'en français, puis qui reflète ce bilinguisme ici. Donc je pense que c'est ce genre d'artiste, ça te donne l'espoir aussi de dire, OK, je vais pouvoir m'exprimer dans les deux langues. Puis, Ouais, c'est vrai. C'est drôle parce que j'avais fait quelques spectacles avec Lisa quand elle est venue en Saskatchewan faire une tournée. Puis c'était vraiment rafraîchissant de lui parler. Puis de ne pas avoir peur non plus de mettre des mots en anglais, des mots en français. Puis c'est comme si il y avait un peu plus de fluidité aussi dans nos conversations parce que je ne m'étais pas mis cette pression-là. Mais je crois que le fait que je suis déménagée à Montréal, même déjà, je reconnais qu'il y a j'ai plus de facilité, je trouve plus vite, un peu plus vite les mots que j'aurais pas nécessairement choisi non plus, si j'étais restée un peu plus dans mon réseau plus anglophone. Mm-hmm. Parce que, même si les anglophones sont très présents aussi à Montréal. Oui, c'est vrai que je communique quand même beaucoup avec des anglophones à Montréal, mais il y a toujours, c'est bien d'avoir de savoir que il y a toujours plus. C'est comme si il y a eu une ouverture quand je suis déménagée, pas nécessairement à l'extérieur, mais plus à l'intérieur aussi. J'ai intériorisé un peu plus ça, comme OK, je me donne la permission d'aller vraiment chercher ce que j'ai besoin à la source, qui est vraiment ici. Puis j'ai ma mère qui vient du Québec. J'ai plein de famille qui est ici. Mais c'est ça, puisque je m'étais toujours sentie un peu isolée là-bas. C'était difficile d'un peu de savoir comment m'identifier comparé à eux et comparé à la jeunesse en général qui est ma génération. Puis ma génération est de plus en plus bilingue aussi. Alors de pouvoir aller les chercher puis de les laisser aussi m'inspirer, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir communiquer comme on communique. Que ce soit en chiac, que ce soit en français ou en franco-ontarien, tu sais, c'est quand même une langue qui est tellement riche, qui peut être parlée différemment, puis qui est belle dans toutes ses différentes facettes aussi. Vous êtes dans Première Loge, Jessica Leb, toujours avec vous pour vous accompagner dans votre magazine d'actualité culturelle jusqu'à 17h30 sur les ondes de CKRL. Alors, on faisait connaissance avec l'artiste françaiscoise Vaero qui a tout juste sorti un EP avant l'été et, comme je vous le disais, je l'ai rencontré au Festival de la chanson de Tadoussac. Alors, vous avez entendu une première partie de notre rencontre un peu plus tôt dans l'émission où l'on parlait de son bilinguisme et de la façon dont elle se servait autant du français que de l'anglais pour écrire dans ses chansons. Une identité bilingue qu'elle veut absolument garder dans son univers artistique. Et comme je vous le disais aussi plus tôt, Vaero a fait partie de cette cohorte d'artistes qui a participé au chemin d'écriture à Tadoussac, un projet qui a lieu chaque année, juste avant le festival de la chanson de Tadoussac. Les artistes arrivent à peu près 5 jours avant le début du festival pour se retrouver en résidence d'écriture sous la houlette de François Lacouture qui anime aussi sa depuis 20 ans. Et l'idée, c'est de confronter différents artistes, différents univers artistiques face à une écriture différente, parce que chacun écrit à sa façon, plus méthodique les unes que les autres, ou au contraire avec plus ou moins de méthode. Bref, c'est le moment de se recentrer sur l'écriture. Alors, Vaero étant auteur, elle nous parle. Je lui ai demandé en fait qui l'avait particulièrement marqué dans son écriture. Donc, elle nous cite quelques noms d'artistes qui l'ont marqué dans la suite de cette entrevue. Oh, il y en a plusieurs. Ben, ils m'ont tous marqué d'une différente façon. Moi, j'ai vraiment trippé sur l'écriture de Michel Robichaud, qui est simple mais tellement profonde aussi. Il y a tellement une facilité avec les mots. Ça m'a vraiment inspirée aussi, parce que je me dis, des fois, on se complique trop. Moi, je me complique trop la vie en me disant, faut que je choisisse les belles images qui sont un peu plus floues, puis que les gens puissent s'approprier ça à eux. Des fois, il faut juste être clair. Puis ça a été aussi ma leçon cette semaine, de juste être clair avec mes idées, de pas trop jouer dans le flou, puis de juste avoir quelque chose de concret qui se comprend, que moi je puisse comprendre pour que ensuite pour le transmettre, c'est ça, les autres puissent comprendre. Puis ça va chaque bonne chanson va être délivrée livrée d'une façon que chaque personne puisse se l'approprier. Et puis, c'est un peu le but avec tout ça. Mais il y a aussi un autre artiste, un grand artiste qui est aussi bon musicien qu'il est écrivain, qui vient de la France, qui s'appelle Guillaume Farley. Et puis, j'ai eu le plaisir de faire le voyage avec lui jusqu'à Tadoussac. Et on a parlé, on a partagé plein de musique. Puis, il m'a aussi montré la richesse de la chanson française, que j'aimerais encore plus... j'aimerais vraiment « diver » dedans, comme on dirait en bon français. Mais c'est ça, il y a tellement de richesse, même avec les nouveaux artistes, autant que les artistes qui font ça depuis longtemps. Puis lui, il est musicien depuis très, très longtemps. Puis je pense qu'il s'est vraiment donné la chance. Il s'est donné la chance d'écrire, d'aller trouver l'auteur en lui. Puis ça aussi, c'est inspirant, c'est de se dire, ben la vie nous donne plein de portes. Puis c'est quand on saute, puis qu'on se dit, OK, je vais faire ça, je vais l'essayer. Puis si je tombe, c'est correct, mais au moins je vais l'avoir essayé. Alors, ouais, c'est ça, c'est un peu j'ai fait le tour de la raison que... la raison de mon déménagement aussi. C'est la famille qui m'a un peu menée ici, mais c'est aussi la musique, puis cette soif de vraiment comprendre plus mon identité des deux côtés de la médaille, parce que y a mon identité francophone et mon identité anglophone, mais c'est vraiment cette identité francophone que j'essaie de comprendre, puis j'essaie de creuser plus loin que juste les mots que je vous dis maintenant, de pouvoir vraiment toujours avoir un sens à ce que je dis aussi, puis de comprendre, toujours comprendre. Parle-nous de ce EP donc, qui est sorti, qui est francophone d'ailleurs. Et on peut découvrir 4 ou 5 pièces, je ne me souviens plus trop, dont une instrumentale d'ailleurs. Qu'est-ce que tu voulais livrer pour cette présentation finalement au public francophone? Ouais, c'est vrai, c'est un peu la présentation de mon art jusqu'à présent. Ce que j'ai voulu livrer, j'ai voulu un peu partager mes couleurs, l'essence de qui je suis en tant qu'artiste. Alors, il y a des chansons qui sont quand même un peu plus vulnérables. Je pense que c'est un album que j'ai écrit dans un temps où je me cherchais aussi beaucoup. Je me questionnais, tu sais, plein des situations que plusieurs gens vont vivre aussi, les moments de doute, mais aussi les moments de il y a la paix aussi, l'espoir de trouver ce qu'on cherche, ce qu'on recherche. et il y a quelques chansons qui sont plus instrumentales d'une façon, qui sont plus, disons, le côté classique aussi de mon éducation avec la musique et tout. J'ai voulu un peu montrer les différentes facettes de mon art. Mm-hmm. Alors, le nœud qui est quand même... qui représente plusieurs choses, c'est un peu ça, c'est un peu le... qui représente un peu l'angoisse aussi qu'on vit quand on est artiste, mais qu'on... ou même pas artiste, dans mon cas, c'était ça, mais aussi l'angoisse de la vie qui, des fois, c'est comme un petit nœud qu'on sait pas trop comment dénouer, mais à force de le voir, puis de voir comme c'est, comme il est, ben c'est là qu'on on se dit, OK, je vais faire l'effort, je vais essayer de changer une chose à la fois, je vais voyager, je vais aller essayer des nouvelles choses, puis à force de faire ça, je pense que c'est ça, il y a un peu cette liberté, la liberté qui va aider à guérir aussi les mots, puis pas les mots comme des mots, mais des comme mots de tête. M-A-U-X. Ouais, c'est ça. Oh, okay. Le jeu de mots. Yeah, c'est bien, tu maîtrises quand même bien, là. Sans essayer. Mais... Papa Héros. Donc, le EP est disponible. Merci beaucoup. Puis on va continuer de te découvrir, j'espère, à travers d'autres spectacles. Tu sais, à Québec, bientôt? Oui, ben, j'espère. C'est ça. Là, je suis ici, alors j'espère rencontrer les gens du pays et de faire un peu la fête avec vous, parce que c'est vraiment... C'est l'endroit où je me sens vraiment bien d'être ici, puis d'avoir fait un peu le... Comment est-ce qu'on dit ça? Le saut? Est-ce que c'est un saut? Ouais. Je pense que j'ai fait un petit saut. Ouais. Même médium. Médium. J'ai quand même des jambes assez longues, alors j'ai fait un effort. Alors, c'était Vaïro au Festival de la chanson de Tadoussac, artiste françaisquoise à découvrir. Vous en avez entendu plusieurs extraits pour ce EP, Le Nœud. Elle a une page Facebook. Alors, comment ça s'écrit, Vaïro? Peut-être que vous vous posez la question depuis le temps qu'on en parle. V-A-E-R-O, tout simplement. Hein, ça vient de son prénom, Véronique Poulain, pour être précise. Et une page Facebook à suivre, vraiment. Je guettais ça pour me mettre à jour. Pas de spectacle encore annoncé à Québec, mais sincèrement je pense que le mot va se transmettre de plus en plus, puis on devrait la faire venir à un moment donné. Son dernier passage, c'était à la Bourse Rideau qui a lieu chaque année en février, je vous rappelle, grand événement pour les professionnels des arts et spectacles, vitrine d'artistes où les artistes peuvent montrer l'étendue de leur talent en seulement 20 minutes. Donc c'était son dernier passage à Québec, mais on espère qu'il y en aura un autre, un vrai spectacle d'une durée tout à fait appréciable.